Chapitre 7, deuxième partie. La position du palais est parfaitement choisie et révèle un sentiment du beau aussi développé que chez les peuples les plus civilisés. Construit dans le style chinois, il est placé sur la pente douce d'une colline, à une centaine de pas du Volga. On peut apercevoir de ses nombreuses galeries toutes les parties de l'île et la surface imposante du fleuve dont les flots viennent mourir sur la plage sablonneuse. De l'un de ses angles, la vue plonge sur un massif d'arbres où brillent la coupole et la pomme d'or de la pagode. En face, quelques centaines de tentes jetées irrégulièrement s'étendent jusqu'au bord de l'eau. De magnifiques prairies entrecoupées de bouquets d'arbres, de champs bien cultivés, déploient leur tapis de verdure à gauche du palais et forment différents plans que le regard peut embrasser à la fois. Tout cela est animé par des cavaliers kalmouks, par des chameaux errants çà et là, à travers de beaux pâturages, par des officiers portant d'une tente à l'autre les ordres du chef. C'est un beau spectacle, aussi varié dans ses détails qu'harmonieux dans son ensemble. Madame Zakharevitch, après s'être fait expliquer les motifs qui nous avaient empêchés d'arriver 2 jours plus tôt, nous surprit très agréablement en nous assurant que l'intention du prince était de faire recommencer pour nous une grande partie de fête. Déjà, des courriers avaient été chargés de ramener au palais les prêtres qui avaient assisté à la solennité afin que nous puissions voir leur cérémonie religieuse. Cette nouvelle, comme bien on le pense, nous combla de joie. En attendant, nous consacrâmes la première journée à visiter le palais en détail et à nous reposer des fatigues du voyage. Le lendemain de bonne heure, Madame Zakharevitch vint nous chercher pour nous conduire chez la belle-sœur du prince, laquelle, durant la belle saison, habite sa kibitka, de préférence au palais. Rien ne pouvait nous être plus agréable que cette proposition. J'allais donc voir enfin les mœurs kalmouks, sans mélange d'habitudes étrangères. Chemin faisant, j'appris que la princesse passait pour très belle et très savante parmi son peuple, et maints autres détails qui contribuèrent encore à augmenter ma curiosité. Nous arrivâmes à sa tente en assez nombreuse compagnie et jouîmes, en entrant, d'un spectacle qui dépassait de beaucoup nos prévisions. Lorsqu'on eut soulevé la portière de la kibitka, nous nous trouvâmes dans une pièce circulaire assez vaste, recevant le jour d'en haut, tendue d'un damas rouge dont le reflet colorait tous les objets d'une teinte ardente. Le sol était couvert d'un riche tapis turc et l'air chargé de parfums. Dans cette atmosphère embaumée, au milieu de cette lueur empourprée, nous aperçûmes la princesse, assise sur une estrade au fond de la tente, revêtue d'étoffes brillantes et tout aussi immobile qu'une idole. Une vingtaine de suivantes, en grande parure, accroupies sur leurs talons, formaient autour d'elle un cercle aussi bizarre que varié. C'était une véritable scène d'opéra improvisée sur les bords du Volga. Lorsque la princesse nous eut laissé le temps de l'admirer, elle descendit lentement les degrés de l'estrade, vint à nous avec dignité, me prit par la main, m'embrassa affectueusement et me conduisit à la place qu'elle venait de quitter. Elle en fit de même à l'égard de Madame Zakharevitch et de sa fille. Puis, saluant gracieusement les personnes qui nous accompagnaient, elle leur désigna un large divan en face de l'estrade. Une maîtresse de maison à Paris n'eut pas mieux agi. Quand chacun fut placé, elle vint s'asseoir à côté de moi et me fit transmettre par un Arménien parlant très bien le russe et le kalmouk 1000 compliments qui me donnèrent une très haute opinion de son esprit. En nous servant du même moyen, nous pûmes nous adresser mutuellement beaucoup de questions et malgré l'ennui d'avoir recours au service d'un interprète, notre conversation fut loin de languir d'autant que la princesse était fort avide de renseignements de toute nature. Doué d'une humeur enjouée, l'Arménien s'établit de sa propre autorité grand maître des cérémonies et débuta dans ses fonctions en conseillant à la princesse de donner ordre qu'on ouvrit le bal. Aussitôt, sur un signe de cette dernière, une des femmes d'honneur se leva et fit quelques pas en tournant lentement sur elle-même. Une autre, toujours accroupie, tira d'une balalaïka, guitare orientale, des sons mélancoliques très peu appropriés à la circonstance. À la vérité, les poses et les mouvements de sa compagne ne s'accordaient guère mieux avec les idées que nous attachons à la danse. C'était une pantomime pleine de nonchalance et de tristesse, exprimant par sa monotonie languissante l'état d'une âme qui semble dégoûtée de la vie. Plusieurs fois, la jeune danseuse étendit les bras et se mit à genoux comme pour invoquer un être invisible. Cette représentation dura assez longtemps pour me permettre d'examiner attentivement la princesse, et je ne m'étonnais plus qu'elle jouit dans son pays d'une grande réputation de beauté. Sa taille est imposante et fort bien prise, autant que je pus en juger à travers ses nombreux vêtements. Une bouche en cœur, ornée de belles dents, une physionomie pleine de douceur, une peau un peu brune, mais d'une finesse remarquable, ferait d'elle une fort jolie femme, même en France, si la coupe du visage et la disposition des traits étaient tant soit peu moins kalmouks. Néanmoins, malgré l'obliquité des yeux et les pommettes saillantes des joues, elle trouverait encore plus d'un admirateur partout ailleurs qu'en Kalmoukie. Son regard, surtout, respire une ineffable bonté. Ainsi que toutes les femmes de sa race, elle a un air de caressante humilité, ce qui ne la rend que plus touchante. Passons à son costume. Sa robe d'étoffe persane, fort riche, toute galonnée d'argent, était recouverte d'une tunique en soie légère, ne descendant que jusqu'aux genoux et s'évasant sur le devant. Le corsage montant tout à fait plat, étincelé de broderies d'argent et de perles fines qui recouvraient toutes les coutures. Elle avait autour du cou un fichu en batiste blanche, semblable par sa coupe au col d'une chemise d'homme et retenu par un bouton de diamant. Ses cheveux très noirs et très abondants tombaient sur sa poitrine en deux magnifiques tresses d'une longueur remarquable. Sur l'extrémité de sa tête était coquettement posé un bonnet d'étoffe jaune bordé d'une riche fourrure et ressemblant à s'y méprendre au bonnet carré d'un juge. Un détail de sa toilette me surprit infiniment, consistant en un mouchoir en batiste brodé et une paire de mitaines noires. Ainsi, les produits de notre industrie se glisse jusque dans la toilette d'une grande dame kalmouk. Au nombre des ornements de la princesse, je ne dois pas oublier une grande chaîne d'or qui, après avoir entrelacé ses belles tresses, venait se rattacher, en passant sur sa poitrine, à des anneaux du même métal suspendus à ses oreilles. Tout cela formait un ensemble beaucoup moins barbare que je ne m'y m'étais attendu. Les dames d'honneur, quoique vêtues moins richement, avaient la même coupe de robe et le même bonnet. Seulement, elles ne s'étaient pas émancipées jusqu'à mettre des mitaines. Au bout d'une demi-heure, la danseuse alla toucher l'épaule d'une de ses compagnes qui prit sa place et recommença le même exercice. Quand celle-ci eut achevé son rôle, l'Arménien insista auprès de la princesse pour que sa fille, qui jusque-là s'était tenue cachée derrière un rideau, donna, elle aussi, un échantillon de son savoir-faire. Mais il existait une difficulté. Aucune dame d'honneur n'avait le droit de la toucher, et suivant les usages du pays, cette formalité était indispensable. Alors l'Arménien, prenant bravement son parti, s'élança au milieu du cercle et se mit à danser d'une manière si originale que chacun l'applaudit à l'envi. Ayant ainsi satisfait à l'étiquette kalmouk, il se dirigea du côté du rideau et posa légèrement le doigt sur l'épaule de la jeune fille qui ne put se refuser à une invitation faite dans toutes les formes. Sa danse nous parut moins monotone que celle des dames d'honneur, grâce à sa jolie figure et à ses poses timides et langoureuses. À son tour, elle fut toucher son frère, beau jeune homme de 15 ans, vêtu à la cosaque, qui parut au désespoir d'être obligé de placer sur sa tête le bonnet kalmouk pour se conformer à l'usage national. Deux fois, il jeta à terre la coiffure avec un dépit des plus comiques, mais sa mère exigea sévèrement qu'il la reprît. Autant la danse des femmes est humble et monotone, autant celle des hommes est impérieuse et animée. La domination se montre dans tous leurs gestes, dans l'expression hardie de leurs regards, ainsi que dans la manière noble avec laquelle ils se présentent. Je ne pourrais décrire toutes les évolutions qu'effectua le jeune prince avec autant de grâce que de rapidité. L'élasticité de ses membres était aussi remarquable que la mesure parfaite qui réglait ses pas les plus compliqués. Après le bal vint le concert. Les femmes se passèrent successivement la balalaïka et chantèrent ensuite en chœur. Mais leur musique est aussi peu variée que leur danse. Enfin, pour clore la cérémonie, on nous présenta, sur de larges plateaux d'argent, différentes espèces de koumis et de confitures. En sortant de la kibitka, le beau-frère de la princesse nous conduisit près d'un haras de chevaux sauvages où nous attendait une scène des plus extraordinaires. Dès qu'on nous aperçut, 5 ou 6 hommes à cheval, munis de longs lacets, s'élancèrent au milieu du taboun, haras, les yeux constamment fixés sur le jeune prince qui devait régler leurs faits et gestes. Au signal donné, ils se précipitèrent dans l'enceinte et enlacèrent en un instant un jeune cheval à longue crinière, dont l'œil dilaté et les naseaux fumants annonçaient une inexprimable terreur. Aussitôt, un kalmouk habillé à la légère et qui les suivait à pied s'élance sur les talons, coupe les lacets qui garrottent l'animal, devenu furieux, et commence avec lui une lutte incroyable d'audace et d'agilité. Je ne crois pas qu'aucun spectacle puisse agir plus vivement sur l'esprit que celui-ci. Tantôt le cavalier et sa monture roulaient ensemble sur l'herbe, tantôt ils fendaient l'air avec la rapidité d'un trait pour s'arrêter brusquement comme si un mur se fût dressé subitement en face d'eux. Soudain, le cheval furieux rampait sur son ventre ou se cabrait à nous arracher des cris d'effroi. Puis, reprenant sa course désordonnée, il se jetait à travers le taboun et, par tous les moyens possibles, cherchait à se débarrasser d'un fardeau si nouveau pour lui. Cet exercice, quelque violent et quelque dangereux qu'il nous parut, semblait n'être qu'un jeu pour le kalmouk, dont le corps suivait avec tant de souplesse les mouvements de l'animal, qu'on les eût crus tous deux animés du même souffle. Les talons ruisselaient d'écume et tremblaient de tous ses membres. Quant au cavalier, son sang-froid eût fait honte aux plus habiles écuyers. Dans les moments les plus critiques, il trouvait encore la liberté d'agiter ses bras en signe de triomphe et, malgré l'humeur indomptable de sa monture, il la dominait assez pour la maintenir presque toujours dans le cercle que nos regards pouvaient parcourir. Au bout de quelques minutes, sur un nouveau signe du prince, 2 cavaliers qui avaient suivi le plus près possible ce hardi centaure le saisirent avec une prestesse merveilleuse et l'emportèrent au galop avant que nous eussions eu le temps de nous rendre compte de ce nouvel incident. Le cheval, un moment stupéfait, partit bientôt ventre à terre pour aller se perdre au milieu du taboun. Ses prouesses se renouvelèrent plusieurs fois sans qu'un seul cavalier se laissât démonter. Mais notre étonnement se changea en stupéfaction lorsque nous vîmes un enfant de 10 ans s'avancer pour tenter la même épreuve. On lui choisit un jeune étalon blanc d'une grande taille qui faisait des bonds fougueux et des efforts désespérés pour rompre ses lacets, révélant ainsi un caractère des plus farouches. Je ne peindrai pas les vives émotions qui nous assaillirent devant une lutte aussi émouvante. Ce faible enfant, n'ayant, comme les autres écuyers, que la crinière du cheval pour point d'appui, donnait l'exemple de ce que peut le raisonnement sur l'instinct et la force brutale. Pendant quelques minutes, il soutint, avec une intrépidité héroïque, la difficulté de sa position. Enfin, à notre grande satisfaction, un cavalier se mit à sa poursuite, l'atteignit et, l'enlevant à bras tendus, le jeta en croupe derrière lui. Comme on le voit, les Kalmouks sont d'excellents écuyers, s'habituant dès leur enfance à dompter les chevaux les plus sauvages. L'exercice auquel nous venions d'assister est un de leurs plus grands amusements. Les femmes n'y sont pas étrangères, et souvent nous en avons rencontré qui rivalisaient entre elles de vitesse et de témérité. L'heure avancée nous rappela au palais où l'on avait préparé à notre intention un dîner splendide. Deux grandes tables dressées dans deux pièces contiguës furent présidées par les princes Tumène. Nous prîmes place à celle du frère aîné qui en fit les honneurs de la manière la plus distinguée. La cuisine mi-russe mi-française ne laissait rien à souhaiter pour l'après et le choix des plats. Tout était servi en vaisselle plate. Les vins de France et d'Espagne, et surtout le champagne, furent prodigués avec un véritable luxe de grand seigneur. On porta beaucoup de toasts, parmi lesquels ceux de l'empereur de Russie et du roi des Français jouèrent le premier rôle. Je remarquai avec beaucoup de surprise que pendant tout le dîner, la princesse paraissait fort mal à l'aise en présence de son beau-frère. Elle ne se mit à table qu'après en avoir reçu l'autorisation, et tout dans ses manières annonçait un profond respect pour le chef de la famille. Son mari, le frère puîné du prince, était absent depuis 2 mois. Le repas se prolongea longtemps et fut très animé. En voyant l'ordonnance, l'éclat et le savoir-vivre qui y régnaient, nous ne pouvions nous faire à l'idée que l'amphitryon fût un Kalmouk. Le vieux prince nous adressa grand nombre de questions sur la France, nous parlant avec enthousiasme de son séjour à Paris et des liaisons agréables qu'il y avait formées. Quoiqu'il se tînt peu au courant de la politique, la révolution de 1830 ne lui était pas étrangère, et à plusieurs reprises il nous manifesta une grande admiration pour Louis-Philippe. En sortant de table, nous montâmes dans sa calèche pour nous rendre dans la mystérieuse pagode que nous étions si désireux de visiter. Au moment où nous mîmes le pied sur le seuil du temple, un charivari, auprès duquel une trentaine de grosses cloches en branle ne serait qu'une douce harmonie, salua notre présence et nous ôta presque la faculté de voir ce qui se passait autour de nous. C'était un bruit si perçant, si discord, si sauvage, que nous en fûmes abasourdis. Il n'y avait plus moyen de se dire une parole. Les auteurs de ce terrible tapage, autrement dit les musiciens, étaient rangés sur 2 lignes parallèles, les uns en face des autres. À leur tête, du côté de l'autel, se voyait le grand prêtre, agenouillé, sur un riche tapis persan, dans une immobilité complète, tandis que derrière lui, vers la porte d'entrée, se tenait debout le maître des cérémonies, le Gepki, vêtu d'une robe écarlate, la tête couverte d'un capuchon jaune foncé et portant dans sa main un long bâton comme emblème de sa dignité. Prêtres et musiciens, tous agenouillés et ressemblant par leurs traits et leur pose à des magots chinois, avaient des costumes de couleurs éclatantes chargés de broderies d'or et d'argent, se composant d'une large tunique à manches ouvertes et d'une espèce de camail à dents de loup. Quant à leur coiffure, elle avait assez d'analogie avec celle des anciens Péruviens, à cela près que les plumes étaient remplacées par des plaques d'argent couvertes de peintures religieuses. Au centre de cette couronne se dressait en outre une espèce de houppe en soie noire reliés de distance en distance de manière à former des petites boules allant toujours en diminuant de grosseur jusqu'au sommet. La houppe se partageait ensuite en différentes tresses qui retombaient sur les épaules. Cette double ligne de personnages ainsi vêtus avait bien la couleur locale obligée, mais ce qui fit surtout l'objet de notre étonnement, ce furent les instruments des musiciens. À côté des nommes timbales et du tam-tam chinois, on voyait de grosses coquilles marines faisant fonction de cornets, et deux immenses tubes de cuivre de 3 à 4 mètres de longueur, chacun étayé par deux supports. Mon mari essaya inutilement de tirer quelques sons de ses trompes. Il ne fallait rien moins que la poitrine de Stentor, des vigoureux manchis, pour les faire retentir. S'il y a complète absence de mesure, d'accord et de méthode dans la musique religieuse des Kalmouks, en revanche, chacun fait le plus de bruit possible à sa manière et suivant la force de ses poumons. Le concert commença par un carillon de petites cloches d'un timbre argentin, puis vibrèrent les tam-tams et les timbales auxquels se mêlèrent bientôt les glapissements aigus des coquilles, le tout couronné par les mugissements des deux grandes trompes qui firent trembler toutes les vitres du temple. Il me serait impossible de rendre l'originalité de cette cérémonie. Cette fois, nous étions à des milliers de lieues de l'Europe, au cœur de l'Asie, dans la pagode du grand Dalai Lama du Tibet. Le temple, éclairé par un rang de larges croisées, est orné de minces colonnes en briques stuquées dont la légèreté rappelle la gracieuse architecture mauresque. Une galerie règne tout autour du dôme, qui est très remarquable également par la délicatesse de son travail. Une foule de bons et de mauvais génies, d'idoles monstrueuses et d'animaux fabuleux tapissent toutes les parties de la pagode et lui donnent une physionomie aussi grotesque que peu religieuse. La vénération des spectateurs du grand lama pour leurs images est si jalouse que nous ne pouvions nous approcher de ces dieux magots sans nous mettre un mouchoir sur la bouche afin de ne pas les profaner par un souffle impur. Le mécontentement qu'éprouvaient les prêtres en nous voyant tout examiné avec une minutieuse curiosité se trahissait par la surveillance inquiète dont ils nous entouraient. Forcés de se tenir à une distance respectueuse de nos personnes, ils n'en observaient pas moins tous nos mouvements d'un air de profonde méfiance. À ce que nous apprîmes plus tard, leur crainte était qu'il ne nous prît fantaisie d'escamoter quelques-unes des images mystiques que nous considérions de si près. Certes, ils avaient raison de trembler, car la bonne volonté ne nous manquait pas. Mais il fallut nous contenter de les regarder avec les marques du plus profond respect, sauf à prendre notre revanche dans une meilleure occasion. De retour au palais, nous trouvâmes le vieux prince dans une petite pièce qu'il affectionne tout particulièrement et où il a réuni un grand nombre d'armures et d'objets de curiosité. Nous admirâmes, entre autres choses, des chascas circassiens tout garnis d'argent émaillés en noir, des damas turcs aussi précieux par la trempe de la lame que par les incrustations de la poignée et du fourreau, des pistolets florentins du XVe siècle, une coupe en jaspe d'une forme antique achetée 4000 roubles à un seigneur persan, quelques cottes de mailles circassiennes ressemblant à celles de nos anciens chevaliers et 1000 autres raretés d'une grande valeur témoignant du bon goût et du sentiment artistique d'un prince que beaucoup de personnes pourraient regarder comme barbare. Il garde aussi dans ce cabinet, comme un objet très précieux, le livre où sont inscrits les noms des voyageurs qui viennent le visiter. Parmi ces noms, aristocratiques pour la plupart, nous remarquâmes ceux du baron de Humboldt, de quelques lords anglais et de divers savants russes et allemands. Nous terminâmes notre soirée par un bal improvisé qui dura toute la nuit. L'Arménien en eut le premier l'idée et dut se charger du soin de composer l'orchestre. Je ne sais comment il s'y prit, mais au bout de quelques minutes, il nous apporta en triomphe un violon, une guitare et un flageolet. De pareils instruments chez les Kalmouks, n'est-ce pas réellement prodigieux? Nous eûmes promptement organisé une soirée dansante aussi complète qu'on eût pu le faire dans tout autre salon. La gaieté monta même à un tel diapason que la princesse et sa fille, après bien des hésitations, finirent par mettre toute fausse honte de côté et s'élancèrent bravement dans un galop étourdissant où, par parenthèse, l'une d'elles perdit son bonnet. La princesse, émerveillée, ne me quitta pas plus que mon ombre. Elle avait sans cesse recours à l'Arménien pour m'assurer que cette soirée était la plus belle de sa vie et qu'elle ne l'oublierait jamais. Et trouva les romances françaises tellement à son goût que je dus promettre de lui en copier quelques-unes. De son côté, elle me donna deux chansons kalmouks composées par elle et écrites de sa main. Note. Voici la traduction d'une de ses chansons qui ne donnera certainement pas une haute idée des talents poétiques d'une princesse kalmouk. Mon cheval roux, qui dispute le prix de la course au chameau, broute l'herbe des champs du Don. Dieu, notre Seigneur, tu nous feras la grâce de nous retrouver dans une autre contrée. Et toi, charmante terre bête, agitée par le vent, tu t'étends sur la terre. Et toi, ô cœur le plus tendre, volant vers ma mère, dis-lui qu'entre deux montagnes et des vallées, dans un vallon uni, demeurent 50 braves qui s'approchent avec courage pour tuer une outarde bien grosse. Et toi, tendre mère nature, sois-nous propice. Fin de note. Selon l'usage russe, les officiers ne se firent pas faute de savourer le champagne qui circula pendant la soirée jusqu'à faire tourner toutes les têtes. Nous employâmes la journée du lendemain à deux promenades dans l'île et à une chasse aux faucons. Ce dernier passe-temps est en grande faveur chez les Kalmouks, où il se pratique encore avec tout l'éclat que lui donnaient nos châtelains du Moyen-Âge. Le prince Tumène, pour sa part, possède une fauconnerie très bien organisée où l'on retrouve pour l'éducation des oiseaux les mêmes procédés qu'employaient nos aïeux. Ce fut un petit faucon d'une ardeur et d'une audace sans égale qui, ce jour-là, fit les honneurs de la chasse. Le Kalmouk qui le tenait encapuchonné sur son poing eut toutes les peines du monde à le contenir lorsqu'on lui découvrit la tête. Lancé sur un magnifique héron gris, il le prit en moins d'une minute. Plusieurs canards sauvages furent également poursuivis et atteints par lui avec une incroyable rapidité. Les jours suivants, nous goûtâmes de nouvelles distractions où l'imprévu jouait toujours un grand rôle. Je ne saurais assez témoigner combien nos hôtes mirent d'empressement à nous faire voir tout ce que leurs mœurs pouvaient avoir d'original à nos yeux. Chaque jour, une nouvelle surprise, adroitement ménagée, venait retarder le moment du départ. Mais hélas, tout doit avoir une fin dans ce monde. Il fallut donc prendre une résolution irrévocable et dire définitivement adieu à cette vie brillante et variée dont nous nous accommodions si bien. La destinée du voyageur est une chose bien étrange. Véritable oiseau de passage, il effleure tout, sans s'inquiéter de ce qu'il laisse derrière lui. Aller, toujours aller en avant, tel est son but. Quant à ses amitiés qu'il accueille sur la route, à ses liaisons passagères, d'autant plus douces qu'elles sont moins approfondies, à tout ce qui fait réellement le charme des voyages, à peine a-t-il le temps de leur donner un regret. Le moment présent existe seul pour lui. Il doit avancer, sauf à savourer plus tard avec volupté chacune des impressions recueillies en chemin et entassées à la hâte dans son esprit. Alors, il se souviendra, il regrettera peut-être, mais jusque-là, il a bien autre chose à faire que de s'apesantir sur de pénibles regrets. Le ciel est beau, l'espace est grand, il s'élance gaiement au-devant de nouveaux horizons et de nouveaux souvenirs. Le jour fixé pour notre départ, nous déjeunâmes tous ensemble pendant qu'on s'occupait des derniers préparatifs. Ce repas fut triste, car chacun était préoccupé de la même pensée. Pendant que nous retardions volontairement le moment des adieux, la calèche du prince et une autre voiture stationnaient à la porte. Tout avait été prévu et ordonné avec une magnificence qui n'avait plus le droit de nous surprendre après tout ce que nous avions vu. Chez aucun grand seigneur, il ne serait possible de trouver une hospitalité plus large que celle de ce prince Kalmouk qui pourtant, depuis de longues années, vit dans une retraite absolue. Cela prouve que la véritable supériorité est indépendante de la civilisation et qu'on peut la rencontrer aussi bien chez les peuples aux mœurs primitives qu'au milieu des plus brillants salons de l'Europe. Au bas du perron, la calèche de notre hôte, doublée de satin blanc et attelée de 4 magnifiques chevaux, conduits à longue guide par un cocher kirghize, nous attendait avec une quinzaine de cavaliers qui devaient nous servir d'escorte jusqu'au bac. De nombreux curieux les entouraient, regardant avidement la société réunie sur un large balcon où elle recevait du prince le coup de l'étrier. Tout cet ensemble formait un tableau aussi bizarre que splendide. Ce luxe raffiné de l'Occident, mêlé aux costumes bariolés des Kalmouks, ces physionomies de types si divers, ces officiers en brillants uniformes, ces beaux chevaux rongeant leurs freins et surtout la noble figure du vieux prince nous faisant de son balcon un dernier signe d'adieu, laissèrent dans notre esprit un souvenir ineffaçable. En tête de la cavalcade se plaça le jeune Tumen qui ne cessa durant le trajet de nous émerveiller par ses tours de force de science équestre. La journée était resplendissante, tout concourait à éveiller en nous une foule de sensations qui ne se renouvelleront peut-être jamais. En face de la station de poste, Madame Zakharevitch et sa fille, que nous avions enlevée au prince Tumen, montèrent avec nous dans le bac préparé pour notre transport. Des chevaux commandés dès la veille par un exprès du prince nous attendaient sur le rivage opposé où nous trouvâmes nos voitures toutes prêtes à nous recevoir. En regagnant la route où nous avions déjà passé 2 fois en moins de 24 heures, l'idée des désagréments que nous y avions subis me revint plus d'une fois à l'esprit et je pus apprécier à ce sujet combien sont illusoires ces mauvais présages dont s'effraie plus d'un voyageur. Des personnes tant soit peu superstitieuses auraient sans aucun doute renoncé à une visite contrariée par une semblable série de fâcheux contretemps, et eussent ainsi perdu l'occasion de voir les choses extraordinaires que j'ai tâché de décrire. Quant à nous, au contraire, nous revenions riches de souvenirs et d'impressions nouvelles, nous félicitant de plus en plus d'avoir fait un voyage dont les résultats dépassaient de bien loin notre attente. Fin de la 2e partie du 7e chapitre.